qui sonne. Nos amis sont en retard. Non, c'est votre pendule qui avance. Oh. Vous êtes ému? C'est bien naturel, je crois. Tâchez qu'on ne le voit pas. Ah. C'est fait? Oui. Vous êtes prête? Oui. Vous n'avez rien oublié, tout est bien convenu, vous ne regretterez rien? Rien. Pourvu que je ne pense plus à cet homme. Soyez tranquille, vous ne penserez plus à lui. Monsieur et madame de Signoroy. Ils sont venus bien vite. Chut. Enfin! Ma chère comtesse, permettez-moi de vous présenter madame de Signoroy. Madame? Madame? Vous connaissez... Certainement, bonjour, Fernand. Comment allez-vous? J'aurais été heureux de faire cette présentation le jour même de mon mariage, car vous serez, je l'espère, une de nos meilleures amies. Mais vous étiez absente. J'avais été forcée de rejoindre mon mari, qui était très malade et qui est mort un mois après. Ah, vous êtes veuve? Depuis plus d'un an. Mais pourquoi ne m'en avez-vous pas informée? Je ne savais pas où vous étiez. Nous regagnerons bien vite le temps perdu, madame. Monsieur de Signoroy et moi sommes de vieux amis et je crois avoir été la première confidente de son amour pour vous. Mais je vous devais bien cela, comtesse. Mon mari m'a parlé de vous souvent, madame. Nous sommes revenus il y a seulement deux jours. Et ma première visite... Vous avez voyagé toute l'année. Pendant les 6 premiers mois. Puis nous sommes venus nous établir en Bretagne, chez mon père. Je tenais à être auprès de lui pour mes couches. Fernand, voulez-vous que je vous présente monsieur mon fils, âgé de 3 mois? Il m'a fallu l'amener avec moi, sans quoi il m'eût été impossible de vous rendre visite, puisque je suis... Mais écoute, Fernand... Eh bien oui, je suis nourrice, et j'en suis fière. La comtesse a eu des enfants aussi, sans doute. Non, madame. Je vous plains. C'est si amusant. Elle est bête. Mais non, mais non. Mais il est magnifique. Il est déjà très fort. Oh, je le crois bien. Il pesait 10 livres en venant au monde. N'est-ce pas, Gaston? Oui. C'est toi qui l'as pesé. Oui. Si vous saviez comme j'ai souffert, j'ai cru que j'en mourrais. On ne sait pas tout ça quand on se marie. Mon pauvre cher mignon. Mais aussi quelle joie au premier cri qu'il pousse. Et celui-ci n'a pas perdu de temps. Il a crié tout de suite. C'est même la seule fois qu'il a crié, il rit toujours. C'est une belle risette à madame. Vous voyez? Je m'étais confessée la veille, on ne sait pas ce qui peut arriver. Ma cousine est accouchée un peu avant moi, le 23 juin, moi le 2 juillet. Son fils est donc plus âgé que Gaston. Il a le même nom que son père. Eh bien, il n'y a pas de comparaison comme taille et comme intelligence, celui-ci comprend déjà tout. Oh, c'est pas parce que c'est mon fils, mais vraiment, il est extraordinaire. Oui, comme tous les enfants. Et moi, je suis orgueilleuse, comme toutes les mères. Madame. C'est son heure? Oui, madame. Monsieur, mais c'est que quand on ne le sert pas tout de suite, il se met en colère. Vous permettez, chère madame? Ah, mais je vais vous conduire. Jusqu'à la salle à manger. Décidément, elle est bête. Mais non, mais non. Eh bien, mais ça va comme sur des roulettes. Oui. Quoi, est-ce que tu es fâché? Non, non, non, mais j'étais un peu inquiet. Bah, et je ne peux pas faire autrement que de présenter ma femme à madame de Morancé, chez qui je venais avant mon mariage. Les convenances m'y forcent. Enfin, j'aurais autant aimé ne pas amener ma femme ici. Mais pourquoi? Donc, tu le demandes. Ah oui, dis-le-moi. Madame de Morancé et ma femme ne doivent pas être liées ensemble. La raison? Comment? Madame de Morancé est une femme du monde, du meilleur monde. Personne n'a rien à dire sur elle. Elle ne s'est jamais compromise. Elle n'a jamais eu d'amant. Et moi? Toi, tu as été l'amant de madame de Morancé? Non, non, non. Non, c'est toi qui le dis, mais si c'était vrai, tu devrais être le dernier à le dire. Non, non, heureusement, ce n'est pas vrai. Comment ça n'est pas vrai? Prouve-le-moi. Beaucoup, tu deviens fou. Tu étais notre unique confident. Qu'est-ce que tu as à rire? Ah, tu m'amuses bien. Mais qu'est-ce que c'est que ce petit ton goguenard? Mais qu'est-ce que c'est qu'être l'amant d'une femme? Ce que c'est? Oui. Non, ben, si tu ne le sais pas à ton âge, tu ne le sauras jamais. La raison de plus pour me l'expliquer. Mais ça est ou ça n'est pas. Ça n'a pas besoin d'être expliqué. Et alors c'est un fait? Oui, naturellement. Et quel est le caractère d'un fait? Mais tu sais que tu es insupportable avec ta dialectique. Le caractère d'un fait, c'est de pouvoir être prouvé. Soit par les témoins qui l'ont vu, soit par les traces qu'on en retrouve, soit même par la notoriété ou la tradition. Auguste est monté au ciel après sa mort, Numérius Atticus l'a vu et déclaré publiquement. Charles IX a tiré sur le peuple, 93 a inauguré la liberté en France, voilà des faits incontestables. Mais où est le témoin, la notoriété, la tradition qui prouve que tu as été l'amant de Madame de Morançais? Es-tu prêt, comme Numérius Atticus, à en faire publiquement un serment solennel? À mettre l'aventure en scène, comme Marie-Joseph Chénier? À l'imprimer dans l'ami du peuple, comme Marat? Est-ce dans l'histoire, dans la légende, sur les lèvres des hommes? Tu voudrais que cela fût de nouveau, toi qui dis que cela a été? Cela serait-il encore? Tutoies-tu Madame de Morançais devant le monde? L'embrasses-tu devant ses domestiques? L'appelles-tu mon gros minet chéri? As-tu une seule lettre d'elle? Et n'a-t-elle pas, elle, le droit de te mettre à la porte si tu fais allusion à un fait qui ne doit exister que dans ton imagination? Enfin, si pour sauver ta vie ou ton honneur, il fallait que tu prouvasses ce fait, pourrais-tu le prouver? Non. Non. Donc cela n'est pas. Il n'y a de vrai que ce qu'on prouve et l'on ne peut prouver que ce qui est vrai. Tu as rêvé, mon bon. Bon, bon. Et la conclusion de ce discours? Est que Madame de Morançais est pour toi comme pour moi une femme du monde. Du même monde que ta mère, ta sœur, ta femme. Une femme chez qui tu as dîné quelquefois lorsque tu étais garçon. Et à qui ton devoir est de présenter ta femme quand tu te maries, parce qu'elle est digne de ton respect. Ah, oui. De mon respect, oui. Mais de mon estime, non. Le respect et l'estime ne sont pas même chose. On respecte les situations, on estime que les caractères. Ah, mais tu es célibataire, toi. C'est un état qui a du bon. Mais marie-toi demain avec une jeune fille. Bien pure, bien honnête, bien innocente. Et tu verras le cas que tu feras de toutes ces femmes du monde, de tout le monde, et à tout le monde, dont tu auras été l'amant pour occuper ta jeunesse. Mais tu verras dans quelle pitié, pour ne pas dire dans quel mépris, tu les ensevliras tout jamais. Et marquise, bourgeoise, grande dame, courtisane, elles se valent. Ah, on a eu tort de les poursuivre. Elles ont eu tort de céder, mais on ne les a poursuivies que parce qu'il était évident qu'elles céderaient. Alors ça, de l'amour, du plaisir tout au plus. Et encore, quel plaisir. Oui, en somme, tu es comme tous les hommes, tu as deux morales selon les circonstances. Tu raisonnais jadis en célibataire, tu raisonnes maintenant en mari. Cela s'appelle ingratitude avant, égoïsme après, lovelace est mort, vive prud'homme. Grand mot. Donc, si Madame de Morançais était devenue veuve pendant ta première manière, tu ne l'aurais pas épousée. Écoute, elle ne l'est pas devenue, ça arrange tout. Non, mais tu ne l'aurais pas épousée. Non. Mais quelle raison lui aurais-tu donné de cette lâcheté? Le bonheur. Le mot n'a rien de blessant puisque ce n'est qu'une hypothèse. Alors ton amour aurait pris fin juste au moment où tu aurais pu l'avouer et le prouver. Et tu aurais abandonné cette malheureuse femme à ses regrets et à ses remords, sans regrets, sans remords toi-même. Mais je l'ai abandonnée tout de même à ses remords et à ses regrets. Et tu vois avec quelle robe elle porte le deuil de son amour, de sa vertu et de son mari par-dessus le marché. Mais il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de regrets dans toutes ces affaires. Tout ça n'est pas vrai. Certes, personne plus que moi n'a cultivé cet amour de contrebande que les moralistes ont flétri du gros nom d'adultère. Et comme je ne suis pas un imbécile, bon, ça, quoi que tu en dises, je me suis donné la peine de soumettre cet amour particulier à une analyse psychologico-physiologico-chimique. Et voilà le résultat. L'adultère est une de ces mixtures où les éléments s'associent quelquefois, mais ne se combinent jamais. L'élément que la femme apporte se compose d'un idéal renversé, d'une dignité faible, d'une morale élastique, d'une imagination troublée par les mauvaises conversations, les mauvais exemples, les mauvaises lectures, de la curiosité de la sensation, déguisée sous le nom de sentiment, de la soif du danger, le plaisir de la ruse, et le besoin de la chute, du vertige d'en bas et de toutes les duplicités que nécessitent les circonstances. L'homme apporte son tailleur, son cheval, la manière dont il met sa cravate, des serrements de main mécaniques, des regards de ténor de province, des phrases qui ont traîné partout et dont les mirlitons ne veulent plus, des protestations avec lesquelles on ne prenait pas un électeur de Saint-Flour. Son désœuvrement. Ah, puis le désir de faire des économies. Pamela et Clorinde ne prêtant que sur gage. Et enfin, ce qu'il appelle son honneur. C'est-à-dire, en cas d'explosion, la chance de recevoir des gifles, de les garder ou de tuer un homme qu'on a volé, ou ce qui est pire encore, d'aller vivre avec la femme déshonorée dans une chaumière abandonnée, où il n'y a plus un cœur. Alors, une fois la cornue sur le feu, alors en avant, le fiacre au store baissé, les chambres d'hôtel borgne, les verrous prévoyants, et toutes les hypocrisies traditionnelles, les amis qu'il faut éviter dans la rue, les valets qu'il faut corrompre, les servitudes de tout genre, les humiliations de toute espèce. Eh bien, combine, triture, alambic, décompose, précipite tous ces éléments si tu y trouves un atome d'estime, hein, un milligramme d'amour, une vapeur de dignité, je vais le dire, arôme sur les mains. Et faux. Faux. Faux. Mais où prendrions-nous de l'amour pour nos femmes, nos mères, nos filles, si nous en mettions là-dedans? C'est une prostitution pure. C'est moi qui te le dis. Et tiens, tout à l'heure, quand je voyais ma femme causer si ingénument de son enfant, de son amour avec Madame de Morancé, j'avais envie de la pousser à la porte en lui criant « Mais sauve-toi, j'ai été l'amant de cette malheureuse !» Et top là, tu es dans le vrai. Mais oh, bah, tu plaisantes encore. Dieu m'en garde, je pense exactement comme toi. Alors, et tes sermons de tout à l'heure? Simple épreuve, je voulais seulement voir si tu étais toujours amoureux de Madame de Morancé. Je le craignais en te voyant revenir ici. Ah, que tu me connais peu. Mais sur les 3 ans qu'a duré cette mixture, je n'ai pas été amoureux 6 semaines. J'en ai eu tout de suite par-dessus la tête. Des larmes, des reproches, des jalousies, des surveillances, des terreurs. Sais-tu combien de fois Madame de Morancé et moi, nous sommes trouvés seuls? Comment ça, seuls? Bon, bien, vous voyez ce qui s'appelle vraiment seul. Ah, ah, non, non, je ne t'ai jamais raconté ça parce que tu te serais moqué de moi. Oui. C'est trop drôle. Tu vas trop rire. En 3 ans, 2 fois. Oui, une fois à Lyon, une fois au Havre. Ah oui, parce qu'il fallait voyager pour en arriver là. Ça. Se rencontrer dans des hôtels où on n'avait pas l'air de se connaître. Profiter de la première occasion. Tu vois, c'est difficile. Et quoi, qu'est-ce qui te fait rire? Quand je lui écrivais, je signais Adèle. Comme si j'étais une ancienne amie de couvent. Et elle signait Alfred. Non, mais tu vois les lettres que nous nous sommes rendues. Non, alors un jour j'ai pris mon courage à 2 mains. Je lui ai dit, je vous respecte trop pour ne pas être franc avec vous. Je ne vous aime pas comme vous méritez qu'on vous aime. Je me marie. Ah, comme c'est simple. Ah oui, après avoir cherché pendant 2 ans, c'était ce que j'avais trouvé de mieux. Et qu'a-t-elle dit? Elle est tombée raide par terre. Ah, oh, diable. Tu sais qu'à un moment, j'ai cru que je l'avais tuée. Ah, j'ai passé là 5 minutes qui n'ont pas été drôles. Et je voulais appeler au secours, puis je tremblais qu'on entrât. Et enfin? Ah, ben, elle est revenue à elle, toute seule. Et alors? Elle m'a dit, eh bien, mais c'est bien, monsieur, c'est bien. Mariez-vous. Ah, ça ne manque pas de simplicité non plus. Et depuis? Je voulais avoir une explication. Ah, non, non, je me disais aussi, l'homme peut paraître. Ah, non, mon cher, je n'ai peut-être qu'un mérite, mais je l'ai. Ça, je suis tout ce qu'il y a de plus sincère. Moi, je n'ai ni orgueil, ni parti pris. Oui, tout ce que je sens, je le dis. Tout ce que j'éprouve, je l'avoue. Voilà. Seulement, quand je me suis présenté chez Madame de Morancé, elle avait déjà quitté sa maison. Et tu lui as écrit? Non, mais naturellement. Une lettre d'un bête. Non, enfin, tu sais ce que c'est. On écrit, on ne sait pas pourquoi. Et elle t'a répondu? Oh, bon, elle m'a répondu. Je vous remercie, vous avez eu plus de raison que moi. Alfred. Alors, quand je me suis marié, je lui ai envoyé une lettre de faire part, comme à toutes les personnes que je connaissais. Aujourd'hui, elle nous a très bien reçus. Tout est pour le mieux. Hein? Oh, les femmes, les femmes. Qu'est-ce que c'est? Alors voilà toute ton histoire. Ben oui. Quoi, tu ne sais pas autre chose? Ben non. Quelle autre chose? Quand Madame de Morancé était... Quand Madame de Morancé était la maîtresse de Don Alphonse. Qu'est-ce que c'est ça, Don Alphonse? Ben c'est le premier amant de Madame de Morancé. Et oui, un Espagnol qui avait les cheveux noirs, les pommettes roses, les joues bleues, les dents blanches, les lèvres rouges, et qui trouvait le moyen, comme tous les Espagnols, de mettre une R dans tous les mots qu'il prononçait là. Mais qu'est-ce qui t'a fait ce cancan-là? Mais c'était pas un cancan, c'est un fait. Oh, enfin, tu l'as vu? Il y était témoin. Numerius Atticus. Ben, Numerius Atticus, c'est moi. Oh, c'est absurde. Enfin, quand je te dis que cela est... Mais t'aurais-je laissé quitter cette femme aussi brutalement si je n'avais su à comment tenir sur son compte? Mais tu es un amant, toi, tu es un conquérant, on ne peut pas tout te dire. Moi, je suis moins dangereux, je suis le confident avec qui on ne se gêne pas. Je suis moins heureux, mais j'en sais plus long. Et puis ce ne sont pas ceux qui sont dans la maison qui voient comment elle brûle, ce sont ceux qui sont dehors. Eh bien, moi qui suis dehors, je vois bien où le feu prend et comment on l'éteint. Eh bien, mon cher, c'est toi qui as éteint le feu d'Alphonse. Ou feu Alphonse, si tu préfères. Non, mais tu as cru être une torche, tu as été une pompe. Conte-moi ça, parce que c'est du haut comique, ça, c'est du plomb. Eh bien, elle a rompu avec Don Alphonse en 1865. En 65? Octobre 65. Mais non, je suis de juin 64. Ce qui prouve qu'elle commence avec les cerises et qu'elle finit avec les prunes. Non, c'est pas possible. Elle vivait dans la solitude. Et puis enfin, elle n'est pas de ces femmes-là. Très bien. Connais-tu cette écriture? Ah, ben si je la connais. Non, le serment d'usage. Tu me jures que Madame de Morancé ne saura jamais que je t'ai montré cette lettre? Je te le jure. Qu'est-ce qui a besoin d'un faux serment? Mon ami? Mon ami, c'est moi. Mon ami, en l'absence de Gaston... Oui, Gaston, c'est toi. Tiens, regarde la date. Août 64. Oui. Et tu étais de juin. Oui, j'étais de juin. C'était 2 mois après que tu étais... Parfaitement. Et te rappelles-tu t'être absenté à cette époque? En août 64? Oui. Ah oui, bien sûr, je suis allé voir ma mère, elle était malade. Eh ben, c'est pendant cette absence qu'elle a écrit cette lettre, alors lis. Mon ami, en l'absence de Gaston, il faut absolument que je voie A. A. Hein? A, Alphonse. Ah ben oui, j'avais bien compris. Oui, tu avais bien compris, oui. Donnez-moi dans l'hospitalité aujourd'hui. Éloignez tous les domestiques et s'il y avait quelque danger à entrer chez vous, faites à votre fenêtre le signal convenu. Mais... Elle allait chez toi? Souvent, oui. Ah bon? Moi, elle me faisait aller à Lyon ou Havre. Oh, ben, y a des hommes qu'on aime mieux dans certaines villes. Moi, j'ai connu une grande et honnête dame, comme dit Brantôme, qui ne pouvait m'aimer qu'à Dombasle, dans la Meuse. Oui, je ne sais pas ce que ce pays-là lui rappelait, mais elle ne voulait pas absolument m'aimer autre part. Mais je dois à la vérité te déclarer qu'une fois là, elle m'aimait bien. Non, mais continue. Non, mais c'est tout. Ah oui. Eh bien, elle est venue ce jour-là parce qu'elle voulait absolument entrer en possession des lettres que Don Alphonse ne voulait pas lui rendre. Oui, car c'est une femme qui veut toujours qu'on lui rende ses lettres. Oui. Bien, c'est même depuis cette histoire qu'elle s'est décidée à signer Alfred quand elle t'écrivait. Enfin, à toi et à d'autres. Comment à d'autres? Ah, ben... peut-être, enfin, moi je ne connais que cette histoire-là. Quoique je crois que depuis un certain temps, il y a du nouveau, oui. Viens ici, un grand diable d'anglais. Enfin, pourquoi, à cette époque où ces choses-là se passaient, ne me les as-tu pas fait connaître? Ben, ça n'était pas mon secret. Puis enfin, il n'y avait aucun danger pour toi. Ça n'était ni une jeune fille, ni une veuve que tu aurais pu épouser. Ce n'était que la femme d'un autre. Non, tu vois, au fond, je crois qu'elle t'aimait plus qu'elle aimait Don Alphonse. Elle était bien obligée d'en passer par où il voulait. D'autant plus qu'il était au courant de sa nouvelle liaison. Et ce n'est que le 11 octobre 1865 qu'elle a obtenu son dernier petit morceau de papier. En 65? 65. Oui, alors sur mes 3 ans, moi, je... Don Alphonse te redoit 15 mois environ. Oh, c'est bon. Et c'était chez toi que... Que les comptes se faisaient, oui. Bon, au fond, c'était plus convenable pour tout le monde, hein. Et puis, Madame de Morancé me l'avait demandé avec tant d'insistance. Que comme le fond, cette lettre-là, oui, celle-là. Oui, je me souviens de tout, je ne... Oh non, ce n'est pas ça, oui. Pourquoi c'est son écriture oui, aussi? Oui, mais c'est pour une autre affaire. Allez, donne. Non! Mais dis-moi, la lettre t'est adressée? Ah oui. Oh. Ah, parce que toi aussi? Oh! Tout quoi, quoi? Mais non, pas précisément. Ah, ben, je comprends pourquoi tu ne disais rien. Mais non, moi, c'était, tu sais, enfin, on ne peut même pas dire, enfin, il faudrait trouver un mot particulier pour désigner ces nuances-là. Nous voilà déjà 4. Comment ça, 4? Ah bah oui. Toi, moi, l'espagnol, alors... Non. Alors, l'espagnol, toi, moi... Oui, enfin, qu'importe. Ah, oui. Et puis le lord, l'anglais. Enfin, c'est un lord, au moins. Oui, Lord Gummerfield. Comment cet affreux anglais roux qu'elle ne pouvait regarder sans rire, disait-elle? Souvent, femme varie. C'est ça, nous voilà 4. Eh, oui. Tiens, faisons un whist. Entre nous, sais-tu comment on appelle les femmes de cette espèce-là? Oui, parfaitement, parfaitement, mais ce n'est pas la peine de le dire, d'autant plus que voici ta femme. Oh, mon ange adoré, mais comme je t'aime, c'est... Et moi, donc? Non, mais nous ne sommes pas seuls. Non, mais ça ne fait rien. Devant le bonheur, nous pouvons tout dire. C'est un autre moi-même. Eh oui, depuis 65. C'est qu'il te répète ce que je lui disais tout à l'heure, ce que je pense de toi quand je te compare aux autres femmes. Non, je ne vaux pas mieux que les autres, mon ami. Seulement, c'est moi que tu aimes. Oh, ce cher petit. Attends. Prends garde, ne le secoue pas trop, il vient de déjeuner. Bon, mais nous allons partir. Ah, nous ne pouvons pas. Pourquoi? Madame de Morancé m'a invité à dîner. Et tu as accepté? Ah, j'ai dit que j'allais te demander si nous le pouvions. Bon, ben, tu diras à Madame de Morancé que nous avons affaire à Paris. C'est que nous ne pouvons nous remettre en route avant que l'enfant dorme. En voiture, il ne s'endormira plus. Oh, tu sais qu'il lui faut de la musique pour l'endormir. Oui. Ah, ben, c'est ça, garde-le. Moi, je vais lui jouer sa berceuse. Permets-moi de te dire, mon cher ami, que si tu n'as pas que devoir me prévenir autrefois, tu aurais pu me prévenir il y a 2 jours, quand je t'ai écrit que nous viendrions faire cette visite et t'es parié d'y trouver. Mais ce que je viens de te dire, personne ne le sait, alors tu trouveras un prétexte pour ne plus revenir, tout sera dit. Non, mais ça, tu vas tranquille, va. Ne secoue pas cet enfant comme ça, tu vas l'éveiller. Non, mais écoute, porte-le, toi, parce que... Non, mais tu... Tu fais tout mieux que moi. Oh, là, ce pauvre papa, il est en colère contre son ami le bonheur parce que son ami le bonheur lui a dit la vérité que les hommes n'aiment pas ça. Comme les enfants n'aiment pas le foie. quand on pense que toi aussi tu serais un homme et que tu voudras aimer des femmes et que tu voudras qu'elles n'aient jamais aimé que toi, comme si tu étais tout seul sur la terre. Et quand tu apprendras qu'elles t'adorent, tu les planteras là pour courir à d'autres. Et quand tu t'apercevras qu'elles ne t'aiment plus, tout en ne les aimant pas, tu seras furieux. Et tu deviendras jaloux, rétrospectivement, comme ton petit papa va le faire tout à l'heure. tu seras donc une bête comme nous tous, mon cher mignon. Et tu donneras le jour à d'autres hommes qui seront bêtes comme toi. Et ils en engendreront d'autres qui seront bêtes comme eux. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que Dieu n'ait plus besoin de la bêtise humaine. Ce qui sera long. Dors, mon mignon, tu ne feras jamais rien de mieux. La seule chose qui me console un peu, moi, c'est de penser que la bêtise de ma famille se sera arrêtée à ma personne. Dort-il? Oh, oui, parfaitement. Oui. Ce pauvre le bonheur, tu lui fais porter ton fils. Ah, bah, c'est lui qui l'a voulu. Puis il l'adore. Enfin, j'avais un mot à écrire. Oui, c'est vrai, j'adore les enfants comme tous les gens qui n'en ont pas. Donnez-le-moi, du reste, par cette chaise, j'aime mieux qu'il dorme sous les arbres. Non, mais je vais vous le porter là-bas. Oui, donc, ça bonne. Oh, elle doit être avec le cocher. Oh! Eh bien, mon cher monsieur le signor roi. Vous dînez avec nous, n'est-ce pas? C'est vous, madame. Non. Nous n'aurons pas l'honneur de nous asseoir à votre table. Hier, c'était même ce que je vous écrivais là, n'étant pas sûr de vous voir. Comment, vous alliez vous en aller comme ça? Sans me dire au moins adieu? Tandis que moi, je serais très heureuse de commencer avec madame le signor roi, que je trouve charmante, des relations qui deviendront bientôt de l'amitié, j'espère. Malheureusement, cette visite est la seule que nous aurons eu l'honneur de vous faire. Nous repartons pour la Bretagne. Aujourd'hui même? Ce soir. Et vous y restez? Toute l'année. Et puis après toute la vie? C'est bien possible. Autrement dit, vous ne voulez pas que je revoie votre femme? Mon Dieu, madame, il y a des situations... Bref. Vous ne voulez pas que votre femme devienne l'amie de votre ancienne amie? Mais surtout de l'ancienne amie de Don Alphonse. Qui vous a parlé de Don Alphonse? Que vous importe. Niez-vous le fait? Il n'y a qu'un homme dans le monde qui ait pu vous dire cela. C'est le Bonnard. Si le Bonnard m'a dit cela, il a dû me dire autre chose, n'est-ce pas? Il ne peut donc avoir confiance en personne. Ah, le Bonnard, c'est indigne. Oui. D'autant plus que vous aviez payé son silence. Oui, vous avez raison, monsieur de Signoroy. Madame de Signoroy et moi ne devons pas contracter amitié. Ne m'en veuillez pas, adieu. Oh, je n'ai aucunement le droit de vous en vouloir. Vous êtes parfaitement libre. Seulement... Seulement? Seulement vous avouerez que ça n'était pas la peine, ayant les souvenirs espagnols que vous aviez, de vous trouver mal quand je vous ai annoncé mon mariage. Parce que si je vous ai annoncé si simplement mon mariage, c'est que quelque chose en vous me disait que vous me trompiez. Quoique vous m'eussiez juré mille fois que j'étais votre premier amour. C'était vrai. Oui, Don Alphonse était votre premier amant. Je connais les subtilités féminines. Enfin, puisque nous parlons de cela, je voudrais bien savoir, moi, par curiosité, comment vous, jeune, belle, riche, bien-née, intelligente, et pouvant attendre surtout, vous avez débuté par cet Ibérien au sourire bête. Il m'ennuyait. Voilà comment ça a commencé. Il m'a ennuyé, voilà comment ça a fini. Telle est en deux mots l'histoire de la première faute des femmes. Et les autres fautes? Viennent tout naturellement à la suite. Comme les courants d'air, par les portes ouvertes. Est-ce bien vous qui parlez, Didi? Vous? Oh, mon cher, vous me questionnez, je vous réponds dans le langage qui convient à ma position actuelle. Celles qui disent qu'elles se sont arrêtées après une première faute, après une première déception surtout, et que, trompées et rejetées dans la solitude par l'homme qu'elles aimaient, elles sont revenues silencieusement et résolument sur leurs pas, au lieu de continuer à descendre, c'est de la menthe. C'est moi qui vous le dis. Non, mais que vous ayez aimé, ou cru aimer, Don Alphonse, avant de me connaître, je puis le regretter pour vous, ça ne me regarde pas. Mais que pendant notre intimité, vous ayez revu Don Alphonse sur le même pied qu'autrefois, ça ne se qualifie guère. Ou alors si, ça se qualifie trop. Eh bien, c'est encore une preuve d'amour que je vous donnais. Et j'y avais d'autant plus de mérite que je ne pouvais pas m'en vanter. Oh ben, il n'aurait plus manqué que ça. Don Alphonse, jaloux comme tous les Espagnols et de plus exaspéré par mon abandon, me menaça de vous envoyer mes lettres. Un peu misérable. Ah oui, misérable. Il ne consentait à venir les reprendre. Aux conditions du passé. Tout ce que je puis obtenir, c'est que la restitution se ferait chez le Bonnard au lieu de se faire chez lui. Et pourquoi préfériez-vous la maison de Bonnard? Le Bonnard était votre ami, sa maison était presque la vôtre. Ça me consolait un peu. Et combien avez-vous écrit de lettres, Don Alphonse? Deux. Ah, toujours deux? Mais un petit billet insignifiant qu'il m'a rendu par-dessus le marché. Par-dessus le marché. Mais au lieu de consentir à ce honteux trafic, il valait tout me dire. J'y ai bien pensé, mais il aurait envoyé mes lettres à mon mari. C'était Othello doublé Diago. Pas d'envers, comme vous voyez. Moi, j'ai bien souffert, allez. Bien à peine délivré de cet horrible cauchemar. Il n'y a pas d'autre mot quand je pouvais enfin me dire tout à vous, certaine que vous ne sauriez rien au moment où j'allais être heureuse. Vous m'abandonnez. Brusquement. C'était le châtiment que je méritais, je le sais bien, mais pour être mérité, un châtiment n'en est pas moins dur. Au contraire. Savez-vous qu'une heure après votre départ, je me suis empoisonnée? Sans le Bonnard, j'étais morte. Oui. Alors, par reconnaissance, vous... Pas même, mon ami. Quand je fus revenue à la santé, tout était détendu en moi et le sens moral était anéanti. J'avais comme la soif du mal, j'en étais arrivée à la curiosité, des émotions sans lendemain, des amours sans amour, des rencontres anonymes. L'amour m'avait fait tant souffrir, il m'avait tant humilié que je voulais le déshonorer, le traîner dans la boue, lui arracher les ailes. Ce pauvre le Bonnard. Je vous demandais un peu si c'était lui qui pouvait me rendre mon idéal perdu. Où avais-je la tête? Non, écoutez, le Bonnard passionné, c'est ce qu'on peut imaginer de plus comique. Je ne l'oublierai jamais, j'en rirai toujours. Malheureuse. Où en êtes-vous arrivée? Demandez de vous dire tout, je vous dis tout. Qu'est-ce que ça peut vous faire que j'ai été la maîtresse de... Oh, le vilain mot, mais il faut bien le dire. Que j'étais la maîtresse de celui-ci ou de celui-là et que le souvenir de l'un me donne envie de pleurer et que le souvenir de l'autre me donne envie de rire. Cela me fait. Cela me fait qu'il y avait une portion de votre vie qui était à moi, pendant laquelle je croyais avoir été aimé de vous et pendant laquelle vous me trompiez. Cela me fait. Cela me fait que vous vous êtes moqué de moi et qu'après avoir été ridicule pour vous, je le suis pour moi-même. Parce qu'enfin, quand j'allais à Lyon ou au Havre, moi, pendant ce temps-là, c'est que je vous aimais. C'est vrai. Mais naturellement, c'est vrai. Sans ça, pourquoi y serais-je allé? Oh, que vous me rendez heureuse. Mais rassurez-vous, vous n'avez pas été ridicule. Je n'ai jamais aimé que vous. Quoi que je fisse, je ne pensais qu'à vous et votre image était toujours présente. Figurez-vous qu'un jour, il n'y a pas longtemps de cela, j'ai voulu revoir ce petit appartement du Havre où nous avions passé de si douces heures ensemble. Je suis partie, je suis arrivée dans cet hôtel à l'heure où nous étions arrivés tous les deux, et à la même date, le 30 juin, rien n'était changé, excepté que vous n'étiez plus là, que vous ne m'aimiez plus, que vous aimiez une autre femme. Je passais toute la nuit ainsi à me souvenir, à attendre, à pleurer. Puissance du souvenir. Il me semblait toujours que vous alliez ouvrir la porte. Le jour parut. Vous ne vîtes pas. Il y avait des géraniums sur la cheminée. Je pris une fleur que j'effeuillais dans ce médaillon qui ne m'a plus quittée depuis lors. C'est si bon de croire à quelque chose. Ne fût-ce qu'à une fleur. Parlons plus de tout ça. De l'autre côté du médaillon, il y a sans doute le portrait de Lord Gambofield. Ah, ouais, vous êtes étonnants, vous autres hommes. Vous ne comprenez pas quand vous nous avez abandonnés que nous ne passions pas notre vie dans les larmes. Mais il faut bien tâcher de vous oublier. Et puis après tout, nous sommes comme vous, de chair et d'os. Pourquoi dans ce monde où rien n'est éternel, n'y aurait-il d'éternel que la douleur? Non, mais je comprends Don Alphonse, qui est beau, à ce qu'il paraît. Je comprends le bonheur, qui est amusant. Mais je ne comprends pas Lord Gambofield, qui est grotesque. Je comprenais déjà les deux premiers. Merci. Je vais vous faire comprendre l'autre. Il n'est pas si grotesque que vous dites. Il a coupé ses favoris, il porte des moustaches. Ses cheveux sont moins roux, enfin, il est vrai qu'ils sont plus rares. Il a maigri un peu, il parle plus correctement le français. Cette dent qui lui manquait là sur le devant, il se l'est fait remettre. On jurerait qu'elle est naturelle. C'est même la plus jolie clé. Et puis enfin, c'est un homme de très vieille famille, membre du Parlement, immensément riche, ce qui ne gâte rien. Il va m'épouser, je serai pairesse d'Angleterre, mais les goûts changent avec l'âge. Ah oui. Et puis enfin, de même qu'il vous arrive d'aimer des femmes que nous trouvons stupides et laides parce que les qualités qu'elles ont ne sont appréciables que pour des hommes, de même il y a des hommes insignifiants, grotesques pour vous, qui ont pour nous des qualités irrésistibles. Pour nous autres femmes, il n'y a pas d'hommes laids, il n'y a pas d'hommes bêtes. Il y a deux catégories d'hommes. Ceux que nous n'aimons pas, qui se ressemblent tous. Celui que nous aimons, qui ne ressemble à aucun. Ah, cœur humain, corps humain, mystère. Ainsi, vous aimez Lord Gambofield plus que vous ne m'aimiez. Plus, ce n'est pas sûr, mais autrement, c'est certain. La nature humaine a ses évolutions successives. Et Dieu a eu la prévoyante bonté, voulant nous amener jusqu'à la mort, sans trop de fatigue pour nous, d'échelonner tout le long de la route certains étonnements, certaines surprises, qui nous redonnent envie de vivre, alors que nous ne croyons plus bon qu'à mourir. C'est ce que les anciens appelaient les métamorphoses. Il est Pygmalion, alors. Et je suis Galatée, sous la protection de Vénus. Et vous vous mariez? Dans 6 semaines. Est-ce que Pygmalion a épousé Galatée? Mais, parfaitement. Elle a eu de lui un enfant qui se nommait Paphus, et qui, reconnaissant de ce que la déesse avait fait pour sa mère, lui éleva un temple qu'il appela Paphos, et où les amants venaient offrir leurs sacrifices. Il y avait de la fable, un hôtel merveilleux en plein air sur lequel brûlait un feu qu'aucune pluie, aucun vent ne pouvait éteindre. Et si nous y allions? À Paphos? Oui. Adieu, mon ami, allez rejoindre votre femme et ne disons plus de sottises. Mais ne regrettez rien. Vous avez vu ce qu'il y avait de meilleur en moi. Oh, mais qui le saura? Moi d'abord. Et puis lui qui vient d'ici, presque tous les jours. Et puis votre femme... Mais non, Fernande ne se doutera de rien. C'est une innocente. Oui, et puis elle nourrit. Comme vous me méprisez, n'est-ce pas? Lydie. Oh non, mais me voyez-vous vous aimant de nouveau comme je vous aimais autrefois, que je puis vous aimer encore aujourd'hui, vous reperdant encore. Pourquoi me reperdre? Vous ne pouvez plus m'appartenir. Vous appartenez plus à vous-même. Mais autrefois aussi, vous ne m'appartenez pas. Vous étiez marié, chacun son tour. Pourquoi vous êtes-vous marié, vous aussi, alors? Je ne sais pas, moi, pour... pour faire autre chose. Je croyais trouver là une émotion qu'il n'y ait pas. Votre parole? Ma parole. D'honneur. D'honneur. Sont-ils lâches? Alors, qu'importe mes fautes à moi et vos engagements à vous, puisque nous pouvons encore nous aimer. Quittez Paris aujourd'hui, sous un prétexte quelconque, partez avec moi. Passons un an au fond d'une solitude. C'est tout ce que je vous demande. Dans un an, je disparaîtrai, je vous rendrai votre liberté, vous n'entendrez plus parler de moi. Mais au moins, avant d'en arriver là, j'aurais aimé complètement. Bon, et si dans un an, je ne peux plus te quitter? Ne dites pas cela, je serai trop heureuse. Il me semble que j'entends votre femme. Allez la rejoindre, je ne veux pas la voir. Le bonheur vous remettra un mot de moi. Encore une heure et nous serons réunis pour toujours. Oui, pour toujours. Bien, vous aviez raison, mon ami, c'est écœurant. Il a cru que j'avais été la maîtresse de ce don Alphonse que vous avez inventé, de ce Lord Gamberfield à qui je n'ai jamais adressé la parole, et de vous qui êtes un ami fidèle et loyal. J'aurais pu vous adjoindre un Chinois ou un Touareg, il y aurait cru comme aux autres. Et quand il a été bien convaincu de mon infamie, quand il a pensé que, grâce à tous ces désordres, à toutes ces débauches, j'étais devenue une femme de plaisir, enfin quelque chose comme Mademoiselle Castagnette, s'est mis à m'aimer. Si on peut se servir de ce mot pour exprimer la passion la plus brutale et le désir le plus bas. Ah, si nous savions avant ce que je viens de savoir après. Débarrassez-moi de ce monsieur, n'est-ce pas? Que j'entende plus jamais parler de lui, que j'ignore qu'il a vécu, que je le crois mort. Je vais prendre l'air, j'en ai besoin. Je serai ici dans une heure. Je n'aurais jamais cru qu'on pût tant mépriser ce qu'on a tant aimé. Il sera ici dans une heure. Ça me laisse 40 bonnes minutes, c'est 20 trop. Eh ben, arrive, je t'attendais avec impatience. Tu avais dit? Oui, elle sort d'ici, elle fait bon. Sa petite malle. Et toi, tu as fait du bel ouvrage. Oh. Et ta femme? Oui, tu vas la reconduire à Paris. Mais quelle raison lui donnerais-je? Je lui ai dit que je venais de recevoir une dépêche qui me force de partir tout de suite. Et tu ne lui as pas dit pour où? Non, je ne lui ai pas dit pour où. Une dépêche ici, pendant que vous êtes en visite. Elle l'accueille. Elle en croirait bien d'autres. Elle est candide. Oui. Bon, alors te voilà amoureux de Madame de Morancé. Oh, amoureux. C'est toi qui es candide. Moi, je ne sais pas si je suis amoureux. Enfin, tout ce que je sais, c'est qu'il y a là une sensation. Et qu'il n'y en a pas tellement dans ce monde, d'agréable surtout, pour qu'on les laisse échapper. Je t'ai dit que j'étais toujours franc et sincère. Eh bien, la vérité, c'est que je ne m'amuse pas tous les jours entre une femme qui berce et un enfant qui tète. Tu sais, les dodo, bébé, lolo, tata, c'est pas toujours drôle. Alors, j'en ai encore comme ça pour une dizaine de mois. Après, Il faudra recommencer. Alors c'est long. Pas été tirable de ce matin? C'était ce matin. Elle reste vraie, théoriquement, comme beaucoup d'autres tirades, mais elles serviront pour une autre fois. Non, mais voyons, réfléchis un peu, une femme que tu trouvais assommante. Mais ça n'est plus du tout la même femme. Si tu l'avais vue tout à l'heure, si tu avais vu ses yeux humides, si tu avais senti son souffle brûlant. Oh, si tu savais ce que ce Lord Campbell a fait d'elle. Tiens, voilà un. Si jamais il me tombe sous la main, et il ne manquera pas de venir s'y mettre pour savoir ce qu'est devenue sa fiancée, en voilà un qui est assuré de recevoir sur ses joues gelées de groseille et sur ses fabrichiens dans la plus belle paire de calottes. Ah, moi, je ne peux pas savoir ce que Damberfield a fait de Lydie, je suis d'avant, mais je le regrette. Toi, tu feras mieux de ne pas me rappeler cela. Je t'étranglerai, vois-tu, bon. En attendant l'autre. Bon, alors tu vas partir. Oui. Et tu écriras à ta femme? Mais oui, je ferai tout ce qu'il faudra, sautant que... Non, mais si elle apprend la vérité... Elle ne la croira pas. Mais si on la lui prouve... Ah, ben, tu lui prouveras le contraire. Et si elle s'ennuie et se venge? Puis elle? Jamais. Elle n'y pensera même pas. Ah ben, heureusement, elle a de la religion. Et puis les femmes comme elle, mon cher, n'ont pas d'amant. C'est bon pour... Ah, oh, oh. Oui, enfin. C'est admirable. Les hommes croient qu'ils sont jaloux de certaines femmes parce qu'ils en sont amoureux, mais ce n'est pas vrai. Ils en sont amoureux justement parce qu'ils en sont jaloux, ce qui est bien différent. Et prouvez-leur qu'il n'y a aucune raison pour qu'ils soient jaloux. Ils s'aperçoivent immédiatement qu'ils ne sont pas amoureux. Mais qu'est-ce que tu racontes là, tout bas, toi? Tu deviens fou? Non, pardon, mon cher, c'est plaisanté. Bon, alors, tu es bien décidé à partir avec Lydie? Oui. Ça durera... Ça durera tant que ça pourra. Peut-être 6 mois, peut-être toujours. Mais jusqu'à ce qu'elle m'aime, moi seule, comme elle a aimé tous les autres. Bon, alors autant que tu saches toute la vérité, rien de ce que je t'ai raconté n'est vrai. Ah bon? Oh non, non, merci, le bonheur. Merci, mon excellent ami. Malheureusement, je connais ça. Hein? On dit à son ami, dans un moment d'expansion, tout ce qu'on sait de la femme qu'il aimait parce qu'on croit qu'il ne l'aime plus. Et quand on s'aperçoit qu'il l'aime toujours, on essaie d'arranger ça, de rattraper les choses. Non, mais connu, mon bon, c'est connu. Mais tu ne me crois pas? Non, mon cher. Non, je t'affirme que Don Alphonse n'a jamais existé. Ah. Je suis fâché de te retirer cette illusion, mais il n'a jamais existé. Eh bien, c'était don autre chose, mais c'était don quelqu'un. Non, mon cher, une femme qui dit du ton dont elle l'a dit, cette phrase, je m'ennuyais. Voilà comment ça a commencé, il m'a ennuyé. Voilà comment ça a fini. Une femme qui exprime ainsi une impression a passé par cette impression, c'est moi qui te le dis. Et puis que l'homme s'appelle Alphonse ou Galahor, peu importe, il y a eu homme. Mais surtout, ce qu'il y a au monde de plus sacré, ce premier amant est une pure invention, c'est toi le premier. Soit. Mais Lord Gambafield a existé, celui-là. Je l'ai vu. Puis qu'il y en ait 3, qu'il y en ait 2, qu'il y en ait 1, peu importe. Du moment qu'il y en a eu, ça suffit. Mais il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 1, il n'y a personne. Alors, voulais-tu me dire quel intérêt Madame de Morancé pouvait avoir à me faire tous ces mensonges? Le plaisir de te reprendre par la jalousie. Elle savait bien au contraire que je la mépriserais après le Paris aveu et que je ne la reverrais de ma vie. Comme les hommes se connaissent, ça fait plaisir à voir. Et puis, tu n'étais pas toujours là. Bon, alors... Il y a eu quelque chose. Mais... Quelque chose de positif. Bon, ça se sent. Non, allez, dis-moi qu'il y a eu quelque chose. Mais ce serait si naturel, une femme seule, abandonnée. Non, Madame de Morancé est allée une fois au Havre. Une fois à Lyon avec toi, tout le reste, c'est moi qui l'ai inventé, ma parole d'honneur. Et Dieu sait quelle peine j'ai eu à lui faire accepter, à lui faire comprendre, à lui faire répéter ce rôle qu'elle a joué tout à l'heure. Très bien, à ce qu'il paraît. Ah non, prends-en ton parti, mon cher, elle est irréprochable. Et ce n'est pas avec le lièvre que j'ai levé que tu feras le civet dont tu rêves. Rien? Rien? Rien. Rien. Oui, alors ce qu'elle était tout à l'heure... Elle avait seulement l'air de l'être pour te reprendre. Mais maintenant qu'elle voit que tu l'aimes toujours, elle veut bien que tu saches, c'est ce que je suis chargé de te dire, que tu vas la retrouver chaste, calme, modeste, dans une petite maison qu'elle va louer à quelques lieues de Paris, où elle vivra toute seule, et où tu viendras la voir quand tu pourras, car elle ne veut pas d'une fuite ni d'un scandale. Là, vous passerez vos journées comme autrefois à faire de la musique, à causer, à lire... Et quand tu ne pourras pas venir, elle t'écrira par mon entremise. Bon. Alfred. Alfred. Quelle douce vie. Non, attends. Attends, mon ami. Quoi, qu'est-ce qu'il prend? Je ne sais pas, mais... Il se passe quelque chose en moi, le... C'est pas moi, l'émotion, le bonheur d'être toujours aimé... Attends. Fernand. Allons. Fernand. Le voici, mon ami, qu'est-ce qu'il y a? Et où est ton chapeau? Là. Et le petit? Le voici. Bon, mais allez, allez, nous partons. Et la dépêche? Ah oui, oh pardon, j'en ai reçu une autre. Contre-ordre, nous retournons à Paris. Oh, tu ne me quittes pas, non. Quelle joie! Ouais, nous devons dire adieu à madame de Morancy. Non, non, non, c'est inutile. Oh, voilà drôle de maison. Non, ferme, expliqueras-tu? Tu ne comprends pas? Mais tu bêtes, mais malheureux, mais si c'est pour vivre avec une femme honnête, je n'ai pas besoin de madame de Morancy. J'ai la mienne. Oh! Ainsi donc ça finit, et par la haine de la femme et par le mépris de l'homme. À quoi bon alors? Ils sont partis. Oui. Pour toujours. Pour toujours. Servez. Et ne remuez pas le vin. Le fond de la bouteille est trop amer.